Chapitre 78. L'injonction aux dirigeants de traiter ceux sous leur autorité avec douceur, de les conseiller, d'avoir de la compassion pour eux. L'interdiction de tricher ou d'être dur avec eux et de négliger leurs intérêts et leurs besoins. Allah Ta'ala dit: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. Et abaisse ton aile, sois bienveillant, pour les croyants qui te suivent. Sourate 26, verset 215. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Sourate 16, verset 90. 653. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: chacun de vous est responsable et sera interrogé sur ce qui est de sa responsabilité. Le dirigeant est responsable de ceux qui sont sous son autorité, et il sera interrogé sur eux. L'homme est responsable de sa famille, et il sera interrogé sur elle. La femme est responsable de la maison de son mari, et elle sera interrogée sur son foyer. Le domestique est responsable des biens de son maître, et il sera interrogé sur ces derniers. Et chacun de vous est responsable et sera interrogé sur ce qui est de sa responsabilité. Al-Bukhari et Muslim. 654. Abu Ya'la Ma'qil ibn Yasar, radiyallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: tout homme auquel Allah confie une autorité et qui meurt en ayant trahi ceux sous son autorité, se verra interdire le paradis par Allah. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, et qu'il ne l'assume pas sincèrement en les conseillant, alors il ne sentira pas l'odeur du paradis. Dans une autre version de Muslim, tout chef qui dirige les affaires des musulmans et qui ne travaille pas pour eux avec zèle et ne les conseille pas, n'entrera pas au paradis avec eux. 655. Aïcha, radiallahu anha, rapporte qu'elle a entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire alors qu'il se trouvait chez elle: ô Allah, celui qui a une quelconque autorité sur les musulmans et les traite durement, alors traite-le avec dureté. Et celui qui a une quelconque autorité sur les musulmans et les traite avec clémence, alors traite-le avec clémence. Muslim. 656. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: les fils d'Israël, les Israélites, furent gouvernés par les prophètes. Chaque fois qu'un prophète mourait, un autre prenait sa place. Or, il n'y aura pas de prophète après moi, mais des califes en grand nombre. Les gens demandèrent: ô messager d'Allah, que nous ordonnes-tu de faire? Il répondit: soyez fidèles au serment d'allégeance que vous avez prêté au premier d'entre eux. Acquittez-vous de vos devoirs envers eux et demandez à Allah ce qui vous revient de droit, car Allah les interrogera sur l'autorité qu'il leur a confiée. Al-Bukhari et Muslim. 657. Aïd ibn Amr, radiyallahu anhu, rapporte qu'il a rendu visite à Ubaydullah ibn Ziyad et lui a dit: cher fils, j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: les plus mauvais bergers, gouverneurs, sont ceux qui se comportent brutalement avec leurs troupeaux, leurs gouvernés. Prends donc garde à ne pas être comme eux. Muslim. 658. Abu Maryam al-Azdi, radiyallahu anhu, rapporte avoir dit à Muawiyah, radiyallahu anhu: j'ai entendu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: celui à qui Allah confie les affaires des musulmans et qui néglige de les recevoir pour répondre à leurs besoins et leur pauvreté, Allah négligera ses besoins et sa pauvreté le jour de la résurrection. Muawiyah désigna alors un homme pour veiller aux besoins des gens. Abu Daoud et At-Tirmidhi.